Chapitre 5. Malte. Ainsi, c'était le fils du pêcheur de Rovigno qui venait de dire son nom au docteur Antekirt. Par un hasard providentiel, c'était Luigi Ferrato dont le courage et l'habileté venaient de sauver le steam yacht, ses passagers et tout son équipage d'une perte certaine. Le docteur fut sur le point de s'élancer vers Luigi pour le serrer dans ses bras. Il se retint. C'eût été le comte Sandorf qui se fût abandonné à cet élan de reconnaissance. Et le comte Sandorf devait être mort pour tous, même pour le fils d'Andrea Ferrato. Mais si Pierre Bathory était obligé à la même réserve et pour les mêmes raisons, il allait l'oublier lorsque le docteur l'arrêta d'un regard. Puis tous deux descendirent dans le salon où Luigi fut prié de les suivre. « Mon ami, lui demanda le docteur, êtes-vous le fils d'un pêcheur de l'Istrie qui se nommait Andrea Ferrato ?»« Oui, monsieur. » répondit Luigi. N'aviez-vous pas une sœur ? Oui, et nous demeurons ensemble à La Valette. Mais, ajouta-t-il avec une certaine hésitation, est-ce que vous avez connu mon père ? Votre père, répondit le docteur, votre père, il y a 15 ans, avait donné asile à 2 fugitifs dans sa maison de Rovigno. Ces fugitifs étaient des amis à moi, que son dévouement n'a pu sauver. Mais ce dévouement a coûté à Andrea Ferrato la liberté et la vie, puisqu'il a été envoyé au bagne de Stein, où il est mort. Et il y est mort sans avoir rien regretté de ce qu'il avait fait, répondit Luigi. Le docteur prit la main du jeune pêcheur. Luigi, dit-il, c'est à moi que mes amis ont donné la tâche de payer la dette de reconnaissance qu'ils avaient contractée envers votre père. Depuis bien des années, j'ai cherché à savoir ce que vous étiez devenu, votre sœur et vous. Mais on avait perdu vos traces depuis votre départ de Rovigno. Que Dieu soit donc remercié de vous avoir envoyé à mon secours. Le navire que vous avez sauvé, je lui ai donné le nom de Ferrato, en souvenir d'Andrea. Laissez-moi vous embrasser, mon enfant. Pendant que le docteur le pressait sur sa poitrine, Luigi sentit les larmes lui venir aux yeux. Devant cette touchante scène, Pierre ne put se contenir. Ce fut comme une expansion de tout son être qui l'entraîna vers ce jeune homme, ayant à peu près son âge, ce brave fils du pêcheur de Rovigno. « Et moi aussi, moi » s'écria-t-il les bras tendus. « Vous, monsieur ?»« Oui, moi, le fils d'Étienne Bathory. » Le docteur pouvait-il regretter que cet aveu fût échappé à Pierre ? Non, Luigi Ferrato saurait garder son secret, comme Pointe Pescade et Cap Matifou le gardaient eux-mêmes. Luigi fut instruit alors de tout et apprit plus particulièrement quel but poursuivait le docteur Antekirt. Une seule chose ne lui fut pas dite. Le jeune pêcheur ne devait pas savoir qu'il était en présence du comte Mathias Sandorf. Le docteur voulut immédiatement se faire conduire auprès de Maria Ferrato. Il était impatient de la revoir, impatient surtout de connaître sa vie, une vie de travail et de misère sans doute, puisque la mort d'Andrea l'avait laissé seul avec son frère à sa charge. « Oui, monsieur le docteur, » répondit Luigi, « débarquons à l'instant, puisque vous le voulez bien. Maria doit être très inquiète de moi. Voilà bientôt 48 heures que je l'ai quittée pour aller pêcher dans l'anse de Meléa, et pendant la tempête de cette nuit, elle peut craindre qu'il ne me soit arrivé malheur. « Vous aimez bien votre sœur ?» demanda le docteur Antekirt. C'est ma mère et ma sœur à la fois. » répondit Luigi. L'île de Malte, située à 100 kilomètres de la Sicile, appartient-elle plutôt à l'Afrique qu'à l'Europe, bien qu'elle en soit éloignée de 250 ? C'est une question qui a passionné les géographes. Quoi qu'il en soit, après avoir été donnée par Charles Quint aux frères hospitaliers, chassés de Rhodes par Soliman, qui s'associèrent alors sous le nom de chevaliers de Malte, elle appartient maintenant aux Anglais. Et on aurait quelque peine à leur reprendre. Malte est une île longue de 28 kilomètres, large de 16. Elle a La Valette et ses annexes pour capitale, et puis d'autres villes et villages, tels que la cité notable Uzita Vecchia, sorte de ville sainte qui fut le siège de l'évêché au temps des chevaliers, le Bosquet, Dingy, Zébug, Itard, Berkerkara, Luca, Farouji, etc. Assez fertile dans sa partie orientale, très aride dans sa partie occidentale, elle offre un contraste frappant qui se traduit par la densité de sa population vers l'est, en tout plus de 100 000 habitants. Ce que la nature a fait pour cette île en découpant dans son littoral 4 ou 5 ports, les plus beaux du monde, surpasse tout ce qu'on peut imaginer. De l'eau partout, partout des pointes, des caps, des hauteurs, prêtes à recevoir fortifications et batteries. Aussi les chevaliers en avaient-ils déjà fait une place difficile à prendre, et les Anglais qui l'ont conservée malgré la paix d'Amiens l'ont-ils rendue imprenable. Aucun cuirassé, semble-t-il, ne saurait forcer les passes de la Grande Marse ou Grand Port, non plus que celle du port de la Quarantaine ou Marseille-Mousqueto. D'ailleurs, il faudrait qu'ils pussent s'en approcher, et il y a maintenant du côté de la mer 2 canons de 100 tonnes avec leurs appareils hydrauliques de chargement et de pointage qui envoient un projectile de 900 kg à 15 km. Avis aux puissances qui regrettent de voir entre les mains de l'Angleterre cette admirable station commandant la Méditerranée centrale et dans laquelle pourraient tenir toutes les flottes ou escadres du Royaume-Uni. Certainement il y a des Anglais à Malte. On y trouve un gouverneur général, logé dans l'ancien palais du grand maître de l'ordre, un amiral, chef de la marine et des ports, une garnison de 4 à 5 000 hommes. Mais on y trouve aussi des Italiens qui voudraient y être chez eux, puis une population flottante, cosmopolite, comme à Gibraltar, et surtout des Maltais. Les Maltais, ce sont des Africains. Dans les ports, ils conduisent leurs embarcations aux vives couleurs. Dans les rues, ils lancent leurs voitures sur des pentes vertigineuses. Dans les marchés, ils débitent fruits, légumes, viandes, poissons, sous la lampe d'une petite sainte peinturlurée au milieu d'un assourdissant tapage. On dirait que tous les hommes se ressemblent, teint basané, cheveux noirs, quelque peu crépus, yeux ardents, taille moyenne mais robuste. On jurerait que toutes les femmes sont de la même famille, grands yeux à longs cils, cheveux foncés, mains charmantes, jambes fines, corsage souple, avec une certaine morbidesse, et la peau d'une blancheur que ne peut brunir le soleil sous la falsetta, sorte de manteau de soie noire à la mode tunisienne, commun à toutes les classes, et qui sert à la fois de coiffure, de mantille et même d'éventail. Les Maltais ont l'instinct mercantile. On les rencontre partout où l'on peut trafiquer. Travailleurs, économes, industrieux, sobres, mais violents, vindicatifs, jaloux. C'est surtout dans le bas peuple qu'ils se prêtent le plus à l'étude de l'observateur. Ils parlent une sorte de patois dont le fond est arabe, reste de la conquête qui suivit la chute du Bas-Empire. Langage vif, animé, pittoresque, propre aux métaphores, aux images, à la poésie. Ce sont de bons marins, quand on peut les tenir, et de hardis pêcheurs que les fréquentes tempêtes de ces mers ont familiarisés avec le danger. C'était dans cette île que Luigi exerçait maintenant son métier avec autant d'audace que s'il eût été maltais, et c'est là qu'il demeurait depuis près de 15 ans avec sa sœur Maria Ferrato. La Valette et ses annexes, a-t-il été dit. C'est qu'en réalité il y a 6 villes, au moins, sur les deux ports de la Grande Marse et de la Quarantaine. Floriana, la Sanglea, la Cospica, la Vittoriosa, la Slima, la Misida. Ce ne sont pas des faubourgs, ni même un simple assemblage de maisons habitées par la classe pauvre, mais de véritables cités, avec demeures somptueuses, hôtels, églises, dignes de la capitale qui est riche de 25 000 habitants et dans laquelle on peut admirer ses palais qui s'appellent les auberges de Provence, de Castille, d'Auvergne, d'Italie et de France. C'est à La Valette que demeuraient le frère et la sœur. Il serait peut-être plus juste de dire « sous La Valette », car ils habitaient une sorte de quartier souterrain nommé le Manderaggio, dont l'entrée se trouve sur la Strada San Marco. C'est là qu'ils avaient pu trouver un logement en rapport avec leurs faibles ressources, et c'est dans cet hypogée que Luigi conduisait le docteur et Pierre dès que le mouillage du steam yacht eut été terminé. Tous trois, après avoir repoussé des centaines d'embarcations qui les assaillaient de leurs offres de service, débarquèrent sur le quai. Ils franchirent alors la porte de la marine, encore assourdis par les carillons et sonneries de cloches qui font planer comme une atmosphère sonore au-dessus de la capitale de Malte. Après avoir passé sous le fort à double casemate, ils remontèrent une rapide rampe, puis une étroite rue en escalier. Entre de hautes maisons à miradors verdâtres et à niches avec lampes allumées, ils arrivèrent devant la cathédrale de Saint-Jean, au milieu de la population la plus bruyante au monde. Lorsqu'ils eurent atteint le dos de cette colline, à peu près à la hauteur de la cathédrale, ils redescendirent en se dirigeant vers le port de la Quarantaine. Puis, Strada San Marco, ils s'arrêtèrent à mi-côte devant un escalier qui s'enfonçait à droite vers les profondeurs de la ville. Le Monte Raggio est un quartier qui se prolonge jusque sous les remparts, avec rues étroites où le soleil ne peut jamais pénétrer, hauts murs jaunâtres, irrégulièrement percés de 1000 trous qui servent de fenêtres, les uns libres, les autres grillés. Partout des tournants d'escaliers descendant à de véritables cloaques, des portes basses, humides, sordides, comme aux maisons d'une casbah, des boyaux ravinés, des tunnels sombres qui ne méritent même pas le nom de ruelles. Et à toutes les ouvertures, à tous les soupiraux, sur les paliers déjetés, sur les marches branlantes, une population effroyable, des vieilles femmes à face de sorcières, des mères à figure exsangue, anémiées par le mauvais air, des filles de tous âges, déguenillées, des garçons à demi nus, maladifs, se vautrant dans la fange, des mendiants avec toute leur variété de plaies ou difformités fructueuses, des hommes, portefaix ou pêcheurs, à physionomie farouche, capables de tous les mauvais coups à porter ou à faire, puis, à travers ce grouillement humain, quelques flegmatiques policemen habitués à ce monde invraisemblable, non seulement familiarisés, mais familiers avec cette tourbe. Une vraie cour des miracles, enfin, mais transportée au milieu d'une substruction étrange, dont les dernières ramifications aboutissent à des soupiraux grillagés, ouverts dans l'épaisseur des courtines, au ras de ce quai de la Quarantaine, inondé de soleil et de brise marine. C'était dans une des maisons de ce quartier, au plus haut étage, que demeuraient Maria et Luigi Ferrato. Deux chambres seulement. Le docteur fut frappé de l'indigence que révélait ce pauvre logement, mais aussi de sa propreté. On y retrouvait la main de la ménagère soigneuse qui entretenait jadis la maison du pêcheur de Rovigno. À l'entrée du docteur et de Pierre Bathory, Maria se leva, puis s'adressant à son frère, « Mon enfant, mon Luigi » s'écria-t-elle. On comprend ce qu'avaient dû être ses angoisses pendant cette tourmente de la nuit dernière. Luigi embrassa sa sœur et lui présenta les personnes qui l'accompagnaient. Le docteur raconta en quelques mots dans quelles circonstances Luigi venait de risquer sa vie pour sauver un navire en perdition, et en même temps il lui nomma Pierre, le fils d'Étienne Bathory. Pendant qu'il parlait, Maria le regardait avec tant d'attention, tant d'émotion même, que le docteur put craindre un instant qu'elle n'eût deviné en lui le comte Sandorf. Mais ce ne fut qu'un éclair qui s'éteignit aussitôt dans ses yeux. Après 15 ans, comment aurait-elle reconnu celui qui n'avait été que pendant quelques heures l'hôte de son père? La fille d'Andrea Ferrato avait alors 33 ans. Elle était toujours belle par la pureté des lignes de son visage, l'ardeur de ses grands yeux. Quelques cheveux blancs, mêlés à sa chevelure noire, disaient qu'elle avait plus souffert des duretés de la vie que de sa durée. L'âge n'était pour rien dans cette blancheur précoce, due aux fatigues, aux tourments, aux douleurs éprouvées depuis la mort du pêcheur de Rovigno. « Votre avenir et celui de Luigi nous appartiennent maintenant, » dit en terminant son récit le docteur Antekirt. « Mes amis n'étaient-ils pas les débiteurs d'Andrea Ferrato? Vous permettez, Maria, que Luigi ne se sépare plus de nous ?»« Messieurs, » répondit Maria, « mon frère n'a fait que ce qu'il devait cette nuit, en se portant à votre secours, et je remercie le ciel de lui avoir inspiré cette pensée. Il est le fils d'un homme qui n'a jamais connu qu'une chose, son devoir. » « Et nous n'en connaissons qu'une, nous aussi, » répondit le docteur. « C'est notre droit de payer une dette de reconnaissance aux enfants de celui que... » Il s'arrêta. Maria le regardait de nouveau, et ce regard le pénétrait tout entier. Il craignait d'en avoir trop dit. « Maria, reprit alors Pierre Bathory, vous ne voudriez pas empêcher Luigi d'être mon frère ?»« Et vous ne refuseriez pas d'être ma fille ?» ajouta le docteur en lui tendant la main. Il fallut alors que Maria racontât sa vie depuis le départ de Rovigno, comment l'espionnage des agents de l'Autriche lui rendait l'existence insupportable. Pourquoi elle avait eu l'idée de venir à Malte, où Luigi devait trouver à se perfectionner dans le métier de marin, en continuant son métier de pêcheur, puis ce qu'avaient été ces longues années, pendant lesquelles tous deux durent lutter contre la misère, car leurs faibles ressources s'étaient promptement épuisées. Mais Luigi rivalisa bientôt d'audace et d'habileté avec les Maltais, dont la réputation n'est plus à faire. Merveilleux nageur comme eux, il eût pu se mesurer avec ce fameux Niccolo Pesquei, un enfant de la Valette, qui porta, dit-on, des dépêches de Naples à Palerme en traversant à la nage la mer éolienne. Aussi eut-il toute facilité pour chasser ses courlis et ses pigeons sauvages dont il faut aller chercher les nids jusqu'au fond d'inabordables grottes que le ressac de la mer rend si dangereuses. Pêcheur audacieux, jamais son canot n'avait reculé devant un coup de vent lorsqu'il s'agissait de tendre ses filets ou ses lignes. Et c'est dans ces conditions que la nuit précédente, il se trouvait en relâche à l'anse de Melléa lorsqu'il entendit les signaux du Stimiot en détresse. Mais à Malte, les oiseaux de mer, les poissons, les mollusques sont si abondants que la modicité de leur prix rend la pêche peu lucrative. Malgré tout son zèle, Luigi avait bien de la peine à subvenir aux besoins du petit ménage, quoique Maria, de son côté, travaillât à quelque ouvrage de couture. Aussi avait-il fallu, pour ne pas compromettre un budget si restreint, accepter ce logement de Le Monde des Radios. Pendant que Maria racontait cette histoire, Luigi, qui était entré dans sa chambre, en revint une lettre à la main. C'étaient les quelques lignes qu'Andrea Ferrato avait écrites avant de mourir. « Maria, disait-il, je te recommande ton frère. Il n'aura bientôt plus que toi au monde. De ce que j'ai fait, mes enfants, je n'ai nul regret, si ce n'est de n'avoir pu réussir à sauver ceux qui s'étaient confiés à moi, même en sacrifiant ma liberté et ma vie. Ce que j'ai fait, je le referai encore. N'oubliez jamais votre père, qui meurt en vous envoyant ses dernières tendresses. Andrea Ferrato. » À cette lecture, Pierre Bathory ne chercha point à cacher son attendrissement, tandis que le docteur Antekirt détournait la tête pour échapper au regard de Maria. « Luigi, dit-il alors avec une brusquerie voulue, votre embarcation s'est brisée cette nuit en accostant mon yacht. »« Elle était déjà vieille, monsieur le docteur, répondit Luigi, et pour tout autre que moi, la perte ne serait pas grande. »« Soit, Luigi, mais vous me permettrez de la remplacer par une autre, par le navire même que vous avez sauvé. »« Quoi ? Voulez-vous être second à bord du Ferrato ? J'ai besoin d'un homme jeune, actif, bon marin. » « Accepte, Luigi, s'écria Pierre, accepte. Mais, et ma sœur ? Votre sœur sera de cette grande famille qui habite mon île en Decerta, répondit le docteur. Votre existence m'appartient désormais, et je la ferai si heureuse que vous ne pourrez plus rien regretter du passé, si ce n'est d'avoir perdu votre père. » Luigi s'était jeté sur les mains du docteur. Il les serrait, il les baisait, pendant que Maria ne pouvait témoigner sa reconnaissance autrement que par des larmes. « Demain, je vous attends à bord, » dit le docteur. Et comme s'il n'eût plus été maître de dominer son émotion, il sortit rapidement, après avoir fait signe à Pierre de le suivre. « Ah !» lui dit-il, « que c'est bon, mon fils, que c'est bon d'avoir à récompenser. »« Oui, meilleur que de punir, » répondit Pierre. « Mais il faut punir. » Le lendemain, le docteur attendait à son bord Maria et Luigi Ferrato. Déjà le capitaine Koestrick avait pris ses dispositions pour que les réparations fussent faites sans retard à la machine du steam yacht. Grâce au concours de Messieurs Samuel Gretsch et compagnie, agent maritime de la Strada Levante, auquel le navire avait été consigné, les travaux allaient marcher rapidement. Cependant, il devait exiger de 5 à 6 jours. Car il fallait démonter la pompe à air et le condenseur, dont quelques tuyaux fonctionnaient insuffisamment. Ce retard ne pouvait que contrarier le docteur Antekirt, très impatient d'arriver sur la côte sicilienne. Aussi eut-il un instant la pensée de faire venir à Malte sa goélette, sa varena. Mais il y renonça. En effet, mieux valait attendre quelques jours de plus et ne rallier la Sicile que sur un navire rapide et bien armé. Cependant, par précaution, en vue d'éventualités qui pouvaient se produire, une dépêche fut lancée par le fil sous-marin qui reliait Malte à Antequerta. Par cette dépêche, ordre était donné à l'électrique 2 de venir croiser immédiatement sur la côte de Sicile dans les parages du cap Portio di Palo. Vers 9h du matin, une embarcation amena à bord Maria Ferrato et son frère. Tous deux furent reçus par le docteur avec les marques de la plus vive affection. Luigi fut présenté au capitaine, au maître et à l'équipage avec le titre de second. L'officier qui remplissait ses fonctions devant passer à bord de l'électrique 2 dès qu'il aurait rallié la côte méridionale de Sicile. À regarder Luigi, il n'y avait point à se tromper. C'était un marin. Quant à son courage, à son audace, on savait comment il s'était conduit, 36 heures auparavant, dans la baie de Melléa. Il fut acclamé. Puis son ami Pierre et le capitaine Köstrick lui firent les honneurs du navire qu'il désirait visiter dans tous ses détails. Pendant ce temps, le docteur s'entretenait avec Maria et lui parlait de son frère en des termes qui devaient la toucher profondément. « Oui, c'est tout son père, » disait-elle. Sur la proposition que lui fit le docteur, soit de rester à bord jusqu'à la fin de l'expédition projetée, soit de revenir directement à Antequerta, où il lui offrait de la faire conduire, Maria demanda de préférence à l'accompagner jusqu'en Sicile. Il fut donc convenu qu'elle profiterait de la relâche du Ferrato à La Valette pour mettre ordre à ses affaires, rendre les quelques objets qui n'avaient pas pour elle la valeur d'un souvenir, réaliser enfin le peu qu'elle possédait, de manière à pouvoir s'installer dans sa cabine la veille du départ. Le docteur n'avait point caché à Maria quels étaient les projets dont il allait poursuivre l'exécution jusqu'à leur entier accomplissement. Une partie de ce plan se trouvait déjà réalisée, puisque les enfants d'Andrea Ferrato n'avaient plus à s'inquiéter de l'avenir. Mais retrouver Silas Torontal et Sarcani, d'une part, et de l'autre s'emparer de Carpena, cela était à faire. Et cela se ferait. Pour les deux premiers, on comptait ressaisir leurs traces en Sicile. Pour le second, on chercherait. C'est alors que Maria demanda au docteur à lui parler en particulier. « Ce que j'ai à vous apprendre, dit-elle, jusqu'ici j'ai cru devoir le cacher à mon frère. Il ne put se contenir, et sans doute de nouveaux malheurs nous auraient frappés. » « Luigi visite en ce moment le poste de l'équipage, répondit le docteur. « Descendons au salon, Maria, et là, vous pourrez parler sans crainte d'être entendue. » Lorsque la porte du salon eut été fermée, tous deux prirent place sur un divan, et Maria dit « Carpena est ici, monsieur le docteur. »« À Malte ? » ?»« Oui, depuis quelques jours. » »« À La Valette ? » ?»« Dans le Monderaggio même, là où nous demeurons. » Le docteur fut à la fois très surpris et très satisfait de ce qu'il venait d'apprendre. Puis, reprenant, « Vous ne vous trompez pas, Maria ?»« Non, je ne me trompe pas. La figure de cet homme est restée dans mon souvenir. 100 ans se seraient écoulés que je n'aurais pas hésité à le reconnaître. Il est ici. »« Luigi l'ignore ?»« Oui, monsieur le docteur, et vous comprenez pourquoi j'ai voulu le lui laisser ignorer. Il aurait été trouvé ce Carpena. Il l'eût provoqué, peut-être. »« Vous avez bien fait, Maria. C'est à moi seul que cet homme appartient. » « Mais pensez-vous qu'il vous ait reconnu ?»« Je ne sais, » répondit Maria. « 2 ou 3 fois, je l'ai rencontré dans les ruelles du Monderaggio, et il s'est retourné pour me regarder avec une certaine attention défiante. S'il m'a suivi, s'il a demandé mon nom, il doit savoir qui je suis. »« Il ne vous a jamais adressé la parole ?»« Jamais. » »« Et savez-vous, Maria, pourquoi il est venu à La Valette et ce qu'il y fait depuis son arrivée ?»« Tout ce que je puis dire, c'est qu'il vit au milieu de la plus détestable population du Monderaggio. Il ne quitte pas les cabarets les plus suspects. Il y recherche les coquins les plus avérés. Comme l'argent ne paraît pas lui manquer, je crois qu'il s'occupe à racoler des bandits de son espèce pour tenter quelques mauvais coups. Ici ? Je n'ai pu le savoir, monsieur le docteur. Moi, je le saurai. » En ce moment, Pierre entra dans le salon, suivi du jeune pêcheur, et l'entretien prit fin. « Eh bien, Luigi, demanda le docteur Antekirt, êtes-vous content de ce que vous avez vu ?»« C'est un admirable navire que le Ferrato, » répondit Luigi. « Je suis heureux qu'il vous plaise, Luigi, » répondit le docteur, « puisque vous le commanderez en second, en attendant que les circonstances en fassent de vous le capitaine. »« Oh, monsieur !»« Mon cher Luigi, » reprit Pierre, « avec le docteur Antekirt, n'oublie pas que tout arrive. »« Oui, tout arrive, Pierre, mais dis plutôt avec l'aide de Dieu. » Maria et Luigi prirent alors congé du docteur et de Pierre afin de retourner à leur petit logement. Il fut convenu que Luigi ne commencerait son service que lorsque sa sœur serait installée à bord. Il ne fallait pas que Maria restât seule dans le monde des radios, puisqu'il était possible que Carpena eût reconnu en elle la fille d'Andrea Ferrato. Lorsque le frère et la sœur furent partis, le docteur fit venir Pointe-Pescade, auquel il voulait parler en présence de Pierre Bathory. Pointe-Pescade arriva aussitôt et se tint dans l'attitude d'un homme toujours prêt à recevoir un ordre, toujours prêt à l'exécuter. « Pointe-Pescade, lui dit le docteur, j'ai besoin de toi. »« De moi et de Cap-Matifou ?»« De toi seul d'abord. »« Que dois-je faire ?»« Débarquer à l'instant, te rendre au monde des radios, un des quartiers souterrains de la Valette, y prendre un logement quelconque, une chambre, un taudis, fût-ce dans la plus infime auberge de l'endroit. »« C'est entendu. » »« Là, tu auras à surveiller les agissements d'un homme qu'il est très important de ne plus perdre de vue. » Mais il faut que personne ne puisse soupçonner que nous nous connaissons. Au besoin, tu prendras un déguisement. Ça, c'est mon affaire. Cet homme, m'a-t-on dit, reprit le docteur, cherche à embaucher les plus détestables coquins du monde des radios à prix d'argent. Pour le compte de qui, pour quelle besogne, c'est ce qu'on ignore, et c'est ce qu'il faut que tu apprennes le plus tôt possible. Je l'apprendrai. Lorsque tu sauras à quoi t'en tenir, ne reviens pas à bord, tu pourrais être suivi. Contente-toi de mettre un mot à la poste de la Valette et donne-moi rendez-vous le soir à l'autre extrémité du faubourg de la Sanglea. Tu me trouveras à ce rendez-vous. C'est convenu, répondit Pointe-Pescade. Mais comment reconnaîtrai-je cet homme? Oh, cela ne sera pas difficile. Tu es intelligent, mon ami, et je compte sur ton intelligence. Puis-je savoir au moins le nom de ce gentleman? Il s'appelle Carpena. En entendant ce nom, Pierre s'écria. « Quoi ? Cet Espagnol est ici ?»« Oui, répondit le docteur Antekirt, et il loge dans le quartier même où nous avons retrouvé les enfants d'Andrea Ferrato, qu'il a envoyés au bagne et à la mort. » Le docteur raconta tout ce que Maria venait de lui apprendre. Pointe-Pescade comprit alors combien il était urgent de voir clair dans le jeu de l'Espagnol, qui travaillait certainement à quelque œuvre ténébreuse dans les repères de la Valette. Une heure après, Pointe-Pescade quittait le bord. Pour mieux déjouer tout espionnage, au cas où il aurait été suivi, il commença par flâner dans cette longue strada reale qui va du fort Saint-Elme jusqu'à la Floriana. Puis, le soir venu, il se dirigea vers le monde des radios. En vérité, pour racoler une bande de coquins aussi naturellement disposés au meurtre qu'au pillage, on eût pu trouver mieux que ce Capharnaüm de la ville souterraine. Il y avait là des gens de tout pays, sans doute. De ces misérables du Ponant et du Levant, fuyards des navires de commerce ou déserteurs des navires de guerre, mais surtout des Maltais de la plus infime classe, redoutables coupe-jarrets, ayant encore dans les veines de ce sang de pirates qui rendit leurs ancêtres si terribles à l'époque des razzias barbaresques. Carpena, chargé de trouver une douzaine de gens déterminés, déterminés à tout, ne pouvait donc avoir là que l'embarras du choix. Aussi, depuis son arrivée, ne quittait-il guère les cabarets des plus basses rues du monde des radios où la pratique venait le trouver. Si bien que Pointe-Pescade n'eut aucune peine à le reconnaître, mais le difficile était d'apprendre pour le compte de qui l'Espagnol opérait, l'argent à la main. Évidemment, cet argent ne pouvait être le sien. Il y avait longtemps que la prime de 5 000 florins, touchée après l'affaire de Rovigno, était mangé. Carpena, chassé de l'Istrie par la réprobation publique, repoussé de toutes les salines du littoral, s'était mis à courir le monde. Son argent, rapidement dissipé, de misérable qu'il était avant, il était redevenu encore plus misérable après. Ce qui n'étonnera personne, c'est qu'il était alors au service d'une redoutable association de malfaiteurs pour laquelle il recrutait un certain nombre d'affidés afin de remplacer quelques absents dont la corde avait récemment fait justice. C'est dans ce but qu'il se trouvait à Malte, et plus spécialement au quartier du Monderaggio. En quel lieu devait-il conduire sa bande? Carpena, très défiant vis-à-vis des compagnons qu'il embauchait, se gardait bien de le dire. Ceux-ci n'y tenaient pas, d'ailleurs. Pourvu qu'on les payât comptant, pourvu qu'on leur fît entrevoir un avenir de vols et de pillages, ils seraient allés au bout du monde, de confiance. Il faut noter ici que Carpena n'avait pas été médiocrement surpris en rencontrant Maria dans les rues du Monderaggio. Après une absence de 15 ans, il l'avait parfaitement reconnue, comme il avait été reconnu lui-même, très contrarié d'ailleurs qu'elle fût au courant de ce qu'il était venu faire à la Valette. Pointe-Pescade devait donc agir par ruse s'il voulait apprendre ce que le docteur avait tant d'intérêt à connaître et ce que l'Espagnol gardait si secrètement. Cependant Carpena fut bientôt circonvenu par lui. Et comment n'eut-il pas remarqué ce jeune bandit si précoce qui s'attachait à sa personne, s'insinuait dans son intimité, qui le prenait de haut avec cette racaille du Monderaggio qui se vantait d'avoir déjà à son actif un dossier dont la moindre page lui eût valu la corde à Malte, la guillotine en Italie, la garrotte en Espagne, et qui marquait le plus profond mépris pour tous ces poltrons du quartier que la vue d'un policeman mettait mal à leur aise. Un joli type, enfin. Carpena, très connaisseur en ce genre, ne pouvait que l'apprécier. De ce jeu si adroitement joué, il résulta sans doute que Pointe-Pescade était arrivé à ses fins, car le 26 août, dans la matinée, le docteur Antekert reçut un petit mot qui lui donnait rendez-vous pour le soir à l'extrémité de la Sanglea. Pendant ces dernières journées, le travail avait été poussé très activement à bord du Ferrato. Dans 3 jours au plus, ses réparations terminées, son plein de charbon fait, il pourrait reprendre la mer. Le soir même, le docteur se rendit à l'endroit indiqué par Pointe-Pescade. C'était une sorte de petite place à arcade, près du chemin de ronde, à l'extrémité du faubourg. Il était 8 heures. Il y avait une 50aine de personnes sur cette place où se tient un marché qui n'était pas encore fermé. Le docteur Antekert se promenait au milieu de ces gens, hommes et femmes, presque tous d'origine maltaise, lorsqu'il sentit une main s'appuyer sur son bras. Un affreux chenapan, sordidement vêtu, coiffé d'un vieux chapeau défoncé, lui présentait un mouchoir en disant « Voici ce que je viens de voler à votre excellence. Une autre fois, qu'elle fasse mieux attention à ses poches. » C'était Pointe-Pescade, absolument méconnaissable sous son accoutrement d'emprunt. « Mauvais drôle, » dit le docteur. « Drôle, oui. Mauvais, non, monsieur le docteur. » Celui-ci venait de reconnaître Pointe-Pescade et ne put s'empêcher de sourire. Puis, sans autre transition, « Et Carpena ?» demanda-t-il. « Il travaille en effet à racoler une douzaine des plus fiefs et coquins du Monderaggio. Pour qui ? Pour le compte d'un certain Zirone. » « Le Sicilien Zirone ? Le compagnon de Sarcani ? Quel rapport pouvait-il y avoir entre ces misérables et Carpena ? » Voici, en y réfléchissant, à quelle explication s'arrêta le docteur, et il ne se trompait pas. La trahison de l'Espagnol, après avoir amené l'arrestation des fugitifs de Picino, n'avait pu être ignorée de Sarcani. Celui-ci, l'ayant fait chercher, sans doute, et retrouvé dans le plus complet dénuement, il n'avait pas dû hésiter à en faire un de ses agents que Zirone employait au service de l'association. Carpena allait donc être le premier jalon d'une piste sur laquelle le docteur ne se lancerait plus en aveugle. « Sais-tu dans quel but se fait cet embauchage ? » demanda-t-il à Pointe-Pescade. « Pour une bande qui opère en Sicile. »« En Sicile ? Ah oui, c'est bien cela. Et plus spécialement ? Dans les provinces de l'Est, entre Syracuse et Catane. » Décidément, la piste était retrouvée. « Comment as-tu obtenu ces renseignements ? » « De Carpena lui-même qui m'a prise en amitié et que je recommande à votre excellence. » Un signe de tête fut toute la réponse du docteur. « Tu peux revenir maintenant à bord, dit-il, et reprendre un vêtement plus convenable. » « Non pas, car c'est celui qui me convient. » « Et pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai l'honneur d'être bandit dans la troupe du susdit Zirone. » « Mon ami, répondit le docteur, prends garde. À ce jeu-là, tu risques ta vie. » À votre service, monsieur le docteur, dit Pointe-Pescade, et je vous dois bien cela. Brave garçon. D'ailleurs, je suis quelque peu malin, sans me vanter, et ces gueux-là, je veux les fourrer dans mon sac à malice. Le docteur comprit que dans ces conditions, le concours de Pointe-Pescade pouvait être très utile à ses projets. C'était en jouant ce rôle que l'intelligent garçon avait conquis la confiance de Carpena, à ce point même qu'il connaissait ses secrets. Il fallait le laisser faire. Après 5 minutes de conversation, le docteur et Pointe-Pescade, ne voulant point être surpris l'un avec l'autre, se séparèrent. Pointe-Pescade suivit ses quais de la Sanglea, prit une embarcation à son extrémité sur le grand port et revint au Mandéradjo. Avant qu'il y fût arrivé, le docteur Antekirt était déjà de retour à bord du steam yacht. Là, il mit Pierre Bathory au courant de tout ce qu'il venait d'apprendre. En même temps, il ne crut pas devoir cacher à Cap Matifou que Pointe-Pescade s'était lancé dans une assez périlleuse entreprise pour le bien commun. L'Hercule hocha la tête, ouvrit et referma par 3 fois ses vastes mains. Puis l'on eût pu l'entendre se répéter à lui-même « Qu'il ne lui manque pas un cheveu au retour. Non, pas un cheveu, ou bien… » Ces derniers mots en disaient plus que tout ce qu'aurait pu dire Cap Matifou s'il avait eu le talent de faire de longues phrases. Chapitre 6. Aux environs de Catane. Si l'homme eût été chargé de fabriquer le globe terrestre, il l'aurait sans doute monté sur un tour. Il l'aurait fait mécaniquement, comme une bille de billard, sans lui laisser ni une aspérité ni une ride. Mais l'œuvre a été celle du Créateur. Aussi, sur la côte de Sicile, entre Assiréale et Catane, les caps, les récifs, les grottes, les roches, les montagnes ne manquent-ils pas à cet incomparable littoral? C'est en cette partie de la mer Tyrrhénienne que commence le détroit de Messine, dont la rive opposée est encadrée par les chaînes de la Calabre. Tel ce détroit, cette côte, ces monts que domine l'Etna étaient au temps d'Homère, tels ils sont encore aujourd'hui, superbes. Si la forêt dans laquelle Énée accueillit Achéménide a disparu, la grotte de Galatée, la grotte de Polyphème, les îlots des Cyclopes et un peu plus au nord, les rochers de Charybde et de Scylla, sont toujours à leur place historique et l'on peut mettre le pied à l'endroit même où débarqua le héros troyen lorsqu'il vint fonder son nouveau royaume. Que le géant Polyphème ait à son actif des prouesses que l'Hercule Cap Matifou ne peut avoir au sien, il y a lieu de le reconnaître. Mais Cap Matifou a l'avantage d'être vivant, tandis que Polyphème est mort depuis 3000 ans, si même il a jamais existé, quoi qu'en ait dit Ulysse. Élisée Reclus fait remarquer, en effet, que très probablement ce cyclope célèbre fut tout simplement l'Etna, dont le cratère brille pendant les éruptions comme un œil immense ouvert au sommet de la montagne et qui fait tomber du haut de la falaise des pans de roches qui deviennent des îlots et des écueils comme les Faralioni. Ces Faralioni, situés à quelques centaines de mètres du rivage et de la route de Catane, maintenant doublée du chemin de fer de Syracuse à Messine, ce sont les anciens îlots des Cyclopes. La grotte de Polyphème n'est pas loin, et le long de toute cette côte se propage l'assourdissant vacarme que produit la mer sous ses antres basaltiques. Précisément au milieu de ces roches, dans la soirée du 29 août, deux hommes, peu sensibles au charme des souvenirs historiques, causaient de certaines choses que les gendarmes siciliens n'eussent pas été fâchés d'entendre. L'un de ces hommes, qui guettait l'arrivée de l'autre depuis quelques instants, c'était Zirone. L'autre, qui venait d'apparaître sur la route de Catane, c'était Carpena. « Enfin te voilà !» s'écria Zirone. « Tu as bien tardé. J'ai cru vraiment que Malte avait disparu, comme l'île Julia, son ancienne voisine, et que tu étais allé servir de pâture aux Tonines et aux Bonicou des fins fonds de la Méditerranée. » On le voit, si 15 ans avaient passé sur la tête du compagnon de Sarkany, sa loquacité s'était maintenue, en dépit des années, aussi bien que son effronterie naturelle. Avec un chapeau sur l'oreille, une cape brunâtre sur les épaules, des jambières lacées jusqu'aux genoux, il avait bien l'air de ce qu'il était, de ce qu'il n'avait cessé d'être, un bandit. « Je n'ai pu revenir plus tôt, » répondit Carpena, « et c'est ce matin même que le paquebot m'a débarqué à Catane. »« Toi et tes hommes ?»« Oui. »« Combien en as-tu »« 12 douzaine. »« Seulement ?»« Oui, mais des bons. »« Des gens du monde des radios ?»« Un peu de tout, et principalement des Maltais. »« Bonne recrue, peut-être insuffisante, » répondit Zirone, « car depuis quelques mois, la besogne devient dure et coûteuse. » C'est à croire que les gendarmes pullulent maintenant en Sicile, et l'on en trouvera bientôt autant que de semelles du pape dans les halliers. Enfin, si ta marchandise est de bonne qualité. Je le crois, Zirone, répondit Carpena, et tu en jugeras à l'essai. En outre, j'amène avec moi un joli garçon, un ancien acrobate de foire, agile et futé, dont tout pourrait faire une fille au besoin, et qui, je pense, nous rendra de grands services. Que faisait-il à Malte? Des montres, quand l'occasion s'en présentait, des mouchoirs, quand il ne pouvait attraper des montres. Et il se nomme Pescador. Bien, répondit Zirone, on verra à utiliser ses talents et son intelligence. Où as-tu fourré tout ce monde-là? À l'auberge de Santa Grotta, au-dessus de Nicolosi. Et tu vas y reprendre tes fonctions d'aubergiste? Dès demain. Non, dès ce soir, répondit Zirone. Lorsque j'aurai reçu de nouvelles instructions. J'attends ici, au passage du train de Messine, un mot qui doit m'être jeté par la portière du wagon de queue. Un mot de lui? Oui, de lui. Avec son mariage qui rate toujours, répondit Zirone en riant, il m'oblige à travailler pour vivre. Bah, que ne ferait-on pas pour un si brave compagnon? En ce moment, un roulement lointain, mais qu'on ne pouvait confondre avec le murmure du Ressac, se fit entendre du côté de Catane. C'était le train que Zirone attendait. Carpena et lui remontèrent alors les roches. Puis, en quelques instants, ils furent debout le long de la voie dont aucune palissade ne défendait les abords. Deux coups de sifflet, lancés à l'entrée d'un petit tunnel, annoncèrent l'approche du train, qui ne marchait qu'à une vitesse très modérée. Bientôt, les hennissements de la locomotive s'accentuèrent. Les fanaux troublèrent l'ombre de leurs deux éclats blancs et les rails s'éclairèrent en avant d'une longue projection de lumière. Zirone, très attentif, suivait du regard le train qui se déroulait à 3 pas de lui. Un peu avant que la dernière voiture fût à sa hauteur, la vitre s'abaissa. Une femme passa la tête à travers la portière. Dès qu'elle eut aperçu le Sicilien à son poste, elle lança prestement une orange qui roula sur la voie à 10 de pas de Zirone. Cette femme, c'était Namir, l'espionne de Sarkany. Quelques secondes après, elle avait disparu avec le train dans la direction d'Assir et Allée. Zirone alla ramasser l'orange, ou plutôt les deux moitiés d'une écorce d'orange que reliait une ficelle. L'Espagnol et lui revinrent alors s'abriter derrière une haute roche. Là, Zirone alluma une petite lanterne, fendit l'écorce de l'orange et en tira un billet où se trouvait cet avis. Il espère vous rejoindre à Nicolosi dans 5 ou 6 jours. Surtout défiez-vous d'un certain docteur Antekert. Évidemment, Sarkany avait appris à Raguse que ce mystérieux personnage, dont s'était tant préoccupé la curiosité publique, avait été reçu 2 fois dans la maison de Madame Bathory. De là une certaine inquiétude chez cet homme, habitué à se défier de tous et de tout. De là aussi cet avis qu'il faisait passer, sans même employer la poste et par l'entremise de Namir à son compagnon Zirone. Celui-ci remit le billet dans sa poche, éteignit sa lanterne, puis s'adressant à Carpena, « Est-ce que tu as jamais entendu parler d'un docteur Antekert ?» lui demanda-t-il. « Non, répondit l'Espagnol, mais peut-être le petit pescador le connaît-il, lui ?» « Il sait tout, ce gentil garçon. »« Nous verrons cela, » reprit Zirone. « Dis donc, Carpena, nous n'avons pas peur de voyager la nuit, n'est-ce pas ?»« Au moins peur que de voyager le jour, Zirone. »« Oui, le jour, il y a des gendarmes qui sont trop indiscrets. »« Alors en route. Avant 3 heures, il faut que nous soyons à l'auberge de Santa Grotta. » Et tous deux, après avoir traversé la voie ferrée, se jetèrent dans les sentiers bien connus de Zirone, qui allaient se perdre à travers les contreforts de l'Etna, sur ses terrains de formation secondaire. Il y a quelque 18 ans, il existait en Sicile, principalement à Palerme, sa capitale, une redoutable association de malfaiteurs. Liés entre eux par une sorte de rite franc-maçonnique, ils comptaient plusieurs milliers d'adhérents. Le vol et la fraude par tous les moyens possibles, tel était l'objectif de cette société de la mafia, à laquelle nombre de commerçants et d'industriels payaient une sorte de dîme annuelle pour qu'il leur fût permis d'exercer, sans trop d'ennui, leur industrie ou leur commerce. À cette époque, Sarcani et Zirone, c'était avant l'affaire de la conspiration de Trieste, figuraient parmi les principaux affiliés de la mafia, et non des moins ailés. Cependant, avec le progrès de toutes choses, avec une meilleure administration des villes, sinon des campagnes, cette association commença à être gênée dans ses affaires. Les dîmes et redevances s'amoindrirent. Aussi, la plupart des associés se séparèrent et allèrent demander au brigandage un plus lucratif moyen d'existence. À cette époque, le régime politique de l'Italie venait de changer par suite de son unification. La Sicile, comme les autres provinces, dut subir le sort commun, se soumettre aux lois nouvelles, et tout spécialement au joug de la conscription. De là des rebelles qui ne voulurent point se conformer aux lois et des réfractaires qui refusèrent de servir, autant de gens sans scrupules, mafiosi ou autres, dont les bandes commencèrent à exploiter les campagnes. Zirone était précisément à la tête d'une de ces bandes, et lorsque la partie des biens du comte Mathias Sandorf échut à Sarcani pour prix de sa délation eût été dévorée, tous deux vinrent reprendre leur ancienne existence en attendant qu'une plus sérieuse occasion de refaire fortune leur fût offerte. Cette occasion s'était présentée, le mariage de Sarcani avec la fille de Silas Torontal. On sait comment il avait échoué jusqu'alors et dans quelles circonstances. Un pays singulièrement favorable aux exploits du brigandage, même à l'époque actuelle que cette Sicile. L'antique Trinacria, dans sa périphérie de 720 km, entre les pointes de ce triangle qui projette au nord-est le cap Faro, à l'ouest le cap de Marsala, au sud-est le cap Pesaro, renferme des chaînes de montagnes, les Pelors et les Nébrodes, un groupe volcanique indépendant, l'Etna, des cours d'eau, Giarella, Cantara, Platani, des torrents, des vallées, des plaines, des villes qui communiquent difficilement entre elles, des bourgs dont les abords sont peu aisés, des villages perdus sur des rocs presque inaccessibles, des couvents isolés dans les gorges ou sur les contreforts, et enfin une quantité de refuges dans lesquels la retraite est possible, et une infinité de criques où la mer offre 1000 occasions de fuir. C'est en petit le résumé du globe, ce morceau de terre sicilienne où se rencontre tout ce qui constitue le domaine terrestre, monts, volcans, vallées, prairies, fleuves, rivières, lacs, torrents, villes, villages, hameaux, ports, criques, promontoires, caps, écueils, brisants, le tout à la disposition d'une population de près de 2 millions d'habitants répartis sur une surface de 26 000 km². Quel théâtre pourrait être mieux disposé pour les opérations du banditisme? Aussi, bien qu'il tende à diminuer, bien que le brigand sicilien, comme le brigand calabrais, semblent avoir fait leur temps, qu'ils soient proscrits, au moins de la littérature moderne, enfin, bien que l'on commence à trouver le travail plus rémunérateur que le vol, il est bon que les voyageurs ne s'aventurent pas sans précaution dans ce pays, cher à Cacus et béni de Mercure. Cependant, en ces dernières années, la gendarmerie sicilienne, toujours en éveil, toujours sur pied, avait fait quelques expéditions très heureuses à travers les provinces de l'Est. Plusieurs bandes, tombées dans des embuscades, avaient été en partie détruites, entre autres celle de Zirone, qui ne comptait plus qu'une 30aine d'hommes. De là cette résolution d'infuser un peu de sang étranger à sa troupe, et plus particulièrement du sang maltais. Il savait que dans les taudis du Mandéraggio, qu'il avait fréquenté autrefois, les bandits inoccupés se trouvaient par centaines. Voilà pourquoi Carpena était allé à la Valette, et s'il n'y avait recruté qu'une douzaine d'hommes, du moins étaient-ce des hommes de choix. Qu'on ne s'étonne pas de voir l'Espagnol se montrer si dévoué à Ziron. Le métier lui convenait, mais comme il était lâche par nature, il ne se mettait que le moins possible en avant dans les expéditions où les coups de fusil sont à craindre. Aussi se contentait-il de préparer les affaires, de combiner les plans et d'exercer les fonctions de cabaretier dans cette locande de Santa Grotta, affreux coupe-gorge perdu sur les premières rampes du volcan. Il va sans dire que si Sarcani et Ziron connaissaient de la vie de Carpena tout ce qui se rapportait à l'affaire d'Andrea Ferrato, Carpena ne savait rien de l'affaire de Trieste. Il croyait tout simplement être entré en relation avec d'honnêtes brigands, exerçant depuis bien des années leur commerce dans les montagnes de la Sicile. Ziron et Carpena, pendant ce trajet de 8000 Italiens, depuis les roches de Polyphème jusqu'à Nicolosi, ne firent aucune mauvaise rencontre, en ce sens que pas un seul gendarme ne se montra sur leur route. Ils suivaient des sentiers assez ardus, entre des champs de vignes, d'oliviers, d'orangers, de cédratiers, au milieu des bouquets de frênes, de chênes lièges et de figuiers d'Inde. Parfois, ils remontaient quelques-uns de ces lits de torrents desséchés, qui, vu du large, semblent des chemins macadamisés dont le rouleau compresseur n'aurait pas encore écrasé les cailloux. Le Sicilien et l'Espagnol passèrent par les villages de San Giovanni et de Tramestrieri, à une altitude déjà grande au-dessus du niveau méditerranéen. Vers 10h30, ils eurent atteint Nicolosi. C'est un bourg situé dans la partie centrale d'un assez vaste cirque que flanquent au nord et à l'ouest les cônes éruptifs de Montpilieri, des Monte Rossi et de la Serra Pizzuta. Ce bourg possède 6 églises, un couvent sous l'invocation de San Nicolo d'Arena et 2 auberges, ce qui indique surtout son importance. Mais de ces 2 auberges, Ziron et Carpena n'avaient que faire. La locande de Santa Grotta les attendait à 1 heure de là, dans une des gorges les plus sombres du massif etnéen. Ils y arrivèrent avant que minuit sonnait au clocher de Nicolosi. On ne dormait point à Santa Grotta. On soupait avec accompagnement de cris et blasphèmes. Là étaient réunis les nouveaux engagés de Carpena, auxquels un vieux de la bande, nommé Benito, par antinomie sans doute, faisait les honneurs de l'endroit. Quant au reste de la bande, une quarantaine de montagnards et de réfractaires, ils étaient alors à quelques 20 000 dans l'ouest, exploitant le revers opposé de l'Etna, et devait bientôt les rejoindre. Il n'y avait donc à Santa Grotta que la douzaine de Maltais recrutés par l'Espagnol. Entre tous, Pescador, autrement dit Point de Pescade, faisait bravement sa partie dans ce concert d'imprécations et de vantardises. Mais il écoutait, il observait, il notait, de manière à ne rien oublier de tout ce qui pouvait lui être utile. Et c'est même ainsi qu'il retint un propos que Benito lança à ses hôtes pour modérer leur tapage, un peu avant l'arrivée de Carpena et de Ziron. « Taisez-vous donc, Maltais du diable, taisez-vous donc. On vous entendrait de Cassone, où le commissaire central, l'aimable questeur de la province, a envoyé un détachement de carabiniers. » Menace plaisante, Cassone étant assez éloigné de Santa Grotta. Mais les nouveaux supposèrent que leur vocifération pouvait arriver à l'oreille des carabiniers, qui sont les gendarmes du pays. Ils modifièrent donc leur vocifération, tout en buvant davantage de larges flasques de ce petit vin de l'Etna que Benito versait lui-même pour leur souhaiter la bienvenue. En somme, ils étaient tous plus ou moins ivres lorsque s'ouvrit la porte de la locande. « Les jolis garçons !» s'écria Ziron en entrant. « Carpena a eu la main heureuse, et je vois que Benito a bien fait les choses. »« C'est brave, j'en mourrais de soif !» répondit Benito. « Et comme c'est la plus vilaine des morts, reprit Ziron en riant, tu as voulu la leur épargner? Eh bien, qu'ils dorment maintenant. Demain, nous ferons connaissance. » « Pourquoi attendre à demain ? » dit une des nouvelles recrues. « Parce que vous êtes trop ivre pour comprendre et obéir, » répondit Ziron. « Ivre ? Ivre ? Pour avoir vidé quelques bouteilles de votre petit vin du cru quand on est habitué au gin et au whisky des cabarets du Mandaraggio ? « Hé, quel est celui-là ? » demanda Ziron. « C'est le petit Pescador, » répondit Carpena. « Hé, hey, quel est celui-là ? Demanda Pescador à son tour, en montrant le Sicilien. C'est Ziron, répondit l'Espagnol. Ziron regarda avec attention le jeune bandit, dont Carpena lui avait fait l'éloge, et qui se présentait avec une telle désinvolture. Sans doute il lui trouva la figure intelligente et hardie, car il fit un signe approbatif. Puis, s'adressant à Pescador, « Alors, tu as bu comme les autres ?»« Plus que les autres. Et tu as conservé ta raison ?»« Ben, elle ne se noie pas pour si peu. »« Dis donc, petit, reprit Ziron, Carpena m'a dit que tu pourrais peut-être me donner un renseignement dont j'ai besoin. »« Gratis ?»« Attrape !» Et Ziron lança une demi-piastre que Pescador fit instantanément disparaître dans la poche de sa veste, comme un jongleur de profession eût fait d'une muscade. « Il est gentil, » dit Ziron. « Très gentil, » répondit Pescador. « Et de quoi s'agit-il ? » ?»« Tu connais bien Malte ?»« Malte et l'Italie et l'Istrie et la Dalmatie et l'Adriatique, » répondit Pescador. « Tu as voyagé ?»« Beaucoup, mais toujours à mes frais. »« Je t'engage à ne jamais voyager autrement, parce que quand c'est le gouvernement qui paye... »« C'est trop cher, » répondit Pescador. « Comme tu dis, » répliqua Ziron. Enchanté de ce nouveau compagnon avec lequel on pouvait au moins causer. Et puis, reprit l'intelligent garçon, et puis voilà, Pescador, dans tes nombreux voyages, aurais-tu quelquefois entendu parler d'un certain docteur Antekirt ? Malgré toute sa finesse, Point de Pescade ne pouvait s'attendre à celle-là. Toutefois, il fut assez maître de lui pour ne rien laisser voir de sa surprise. Comment Ziron, qui n'était point à Raguse pendant la relâche de la Savarena, et pas davantage à Malte pendant la relâche du Ferrato, avait-il pu entendre parler du docteur et connaissait-il même son nom ? Mais avec son esprit décisif, il comprit immédiatement que sa réponse pourrait le servir, et il n'hésita pas. « Le docteur Antekirt ? » répliqua-t-il. « Eh, parfaitement. Il n'est question que de lui dans toute la Méditerranée. »« L'as-tu vu ? » « Jamais. Mais sais-tu ce qu'il est, ce docteur ?»« Un pauvre diable, 100 fois millionnaire, dit-on, qui ne se promène jamais sans 1 million dans chaque poche de son veston de voyage. Et il en a au moins 6. Un malheureux qui en est réduit à faire de la médecine en amateur, tantôt sur sa goélette, tantôt sur son steam yacht, et qui vous a des spécifiques pour les 22 000 maladies dont la nature a gratifié l'espèce humaine. » Le saltimbanque d'autrefois venait de reparaître à propos d'un point de Pescade, et son boniment émerveillait Ziron, non moins que Carpena, lequel semblait dire hein, « Quelle recrue !» Pescador s'était tu, après avoir allumé une cigarette dont la capricieuse fumée semblait lui sortir à la fois par le nez, par les yeux et même par les oreilles. « Tu dis donc que ce docteur est riche ?» demanda Ziron. « Riche à pouvoir acheter la Sicile pour s'en faire un jardin anglais, » répondit Pescador. Puis, pensant que le moment était venu d'inspirer à Ziron l'idée de ce projet dont il poursuivait l'exécution, « Et tenez, dit-il, capitaine Ziron, si je n'ai pas vu ce docteur Antekirt, j'ai du moins vu un de ses yachts, car on raconte qu'il a toute une flottille pour ses promenades en mer. »« Un de ses yachts ? Oui, son ferrato, un bâtiment superbe qui ferait joliment mon affaire pour faire des excursions dans la baie de Naples avec une ou deux princesses de choix. » « Où as-tu vu ce yacht ?»« À Malte, » répondit Pescador. « Et quand cela ? » ?»« Avant-hier, à la Valette. Au moment où nous embarquions avec notre sergent Carpena, il était encore mouillé dans le port militaire. Mais on disait qu'il allait partir 24 heures après nous. »« Pour où ?»« Et précisément pour la Sicile, à destination de Catane. »« De Catane ?» répondit Ziron. Cette coïncidence entre les départs du docteur Antekirt et l'avis qu'il avait reçu de se défier de lui ne pouvait qu'éveiller les soupçons du compagnon de Sarkany. Point de Pescade comprit que certaines pensées secrètes s'agitaient dans le cerveau de Ziron. Mais laquelle ? Ne pouvant le deviner, il résolut de le pousser plus directement. Aussi, lorsque Ziron eut dit « Que peut-il bien venir faire en Sicile, ce docteur du diable, précisément à Catane ? Et par Sainte Agathe, il vient visiter la ville ? Il vient faire l'ascension de l'Etna. Il vient voyager en riche voyageur qu'il est. Pescador, dit Ziron, qu'une certaine méfiance reprenait de temps à autre, tu as l'air d'en savoir long sur le compte de ce personnage. » Pas plus long que je n'en ferai, si l'occasion s'en présente, répondit Point de Pescade. Que veux-tu dire? Que si le docteur Antekirt, comme cela est supposable, vient se promener sur nos terres, eh bien, il faudra que son Excellence nous paye un joli droit de passage. Vraiment? Répondit Zérone. Si cela ne lui coûte qu'un million ou deux, c'est qu'il s'en sera tiré à bon marché. Tu trouves? Et dans ce cas, Zérone et ses amis n'auront été que de parfaits imbéciles. Bien, dit Zérone en riant, sur ce compliment à notre adresse, tu peux aller dormir. Ça me va, capitaine, répondit Pescador, et je sais bien de quoi je vais rêver. Et de quoi? Des millions du docteur Antekirt, des rêves d'or, quoi. Là-dessus, Pescador, après avoir lancé la dernière bouffée de sa cigarette, alla rejoindre ses compagnons dans la grange de l'auberge, tandis que Carpena regagnait sa chambre. Et alors, le brave garçon, au lieu de dormir, se mit à classer dans son esprit tout ce qu'il venait de faire et de dire. Du moment que Zérone lui avait parlé, à son grand étonnement, du docteur Antekirt, avait-il agi au mieux des intérêts qui lui étaient confiés? Qu'on en juge. En venant en Sicile, le docteur espérait y rejoindre Sarcani, et au cas où ils y seraient ensemble, Silas Torontal, ce qui était possible, puisque tous deux avaient quitté Raguse. À défaut de Sarcani, il comptait se rabattre sur son compagnon, s'emparer de Zérone, puis, par récompense ou menace, l'amener à dire où se trouvaient Sarcani et Silas Torontal. Tel était son plan, et voici comment il comptait l'exécuter. Pendant sa jeunesse, le docteur avait plusieurs fois visité la Sicile, et plus particulièrement la province de l'Etna. Il connaissait les diverses routes que prennent les ascensionnistes, dont la plus suivie vient passer au pied d'une maison bâtie à la naissance du cône central et que l'on appelle la Casa des Anglais, Casa Inglese. Or, en ce moment, la bande de Zérone, pour laquelle Carpena venait de chercher du renfort à Malte, battait la campagne sur les pentes de l'Etna. Il était donc certain que l'arrivée d'un personnage aussi fameux que le docteur Antekirt produirait à Catane son effet habituel. Or, comme le docteur laisserait annoncer ostensiblement son intention de faire l'ascension de l'Etna, il était non moins certain que Zérone la prendrait, surtout avec le concours de Point de Pescade. On a vu que l'entrée en matière avait même été très facile, puisque c'était Zérone qui avait interrogé Pescador sur le compte du dit docteur. Maintenant, voici le piège qui allait être tendu à Zérone et dans lequel il y avait bien des chances que celui-ci fût pris. La veille du jour où le docteur devrait faire l'ascension du volcan, 12 hommes du Ferrato, bien armés, se rendraient secrètement à la Casa Inglese. Le lendemain, accompagné de Luigi, de Pierre et d'un guide, le docteur quitterait Catane et suivrait la route habituelle de manière à pouvoir atteindre la Casa Inglese vers 8 heures du soir afin d'y passer la nuit. C'est ce que font les touristes qui veulent voir se lever le soleil du haut de l'Etna sur les montagnes de la Calabre. Nul doute que Zérone, poussé par Point de Pescade, ne cherchât à s'emparer du docteur Antekirt, croyant n'avoir affaire qu'à lui et à ses deux compagnons. Or, lorsqu'il arriverait à la Casa Inglese, il serait reçu par les marins du Ferrato, et aucune résistance ne serait possible. Point de Pescade, connaissant ce plan, avait donc heureusement profité des circonstances pour jeter dans l'esprit de Zérone cette idée de s'emparer du docteur Antekirt, riche proie qu'il pourrait rançonner sans scrupule, et tout en tenant compte de l'avis qu'il avait reçu. D'ailleurs, puisqu'il devait se défier de ce personnage, le mieux n'était-il pas de s'assurer de lui? Dût-il même perdre le prix de sa rançon? C'est à quoi Zérone se décida, en attendant de nouvelles instructions de Sarcani. Mais pour être plus certain de réussir, à défaut de sa bande qu'il n'avait pas tout entière sous la main, il comptait bien faire cette expédition avec les Maltais de Carpena, ce qui, en somme, ne pouvait inquiéter Point de Pescade, puisque cette douzaine de malfaiteurs n'aurait pas beau jeu contre les hommes du Ferrato. Mais Zérone ne donnait jamais rien au hasard. Puisque, d'après le dire de Pescador, le steam yacht devait arriver le lendemain, il quitta de grand matin la locande de Santa Grotta et descendit à Catane. N'étant pas connu, il pouvait y venir sans danger. Il y avait déjà quelques heures que le steam yacht était arrivé au mouillage, il avait pris place, non près des quais, toujours encombrés de navires, mais au fond d'une sorte d'avant-port entre la jetée du Nord et un énorme massif de lave noirâtre que l'éruption de 1669 a poussé jusqu'à la mer. Déjà, au lever du jour, Cap Matifou et 11 hommes de l'équipage, sous le commandement de Luigi, avaient été débarqués à Catane. Puis, séparément, ils s'étaient mis en route pour la Casa Inglese. Zirone ne sut donc rien de ce débarquement, et comme le ferrato était mouillé à une encablure de terre, il ne put même pas observer ce qui se passait à bord. Vers 6 heures du soir, une baleinière vint déposer sur le quai 2 passagers du steam yacht. C'était le docteur et Pierre Bathory. Ils se dirigèrent par la via Stesicoro et la strada Etnea vers la villa Bellini, admirable jardin public, l'un des plus beaux de l'Europe peut-être, avec ses massifs de fleurs, ses rampes capricieuses, ses terrasses ombragées de grands arbres, ses eaux courantes et ce superbe volcan empanaché de vapeurs qui se dresse à son horizon. Zirone avait suivi les 2 passagers, ne doutant pas que l'un d'eux ne fût précisément le docteur Antekirt. Il manœuvra même de manière à les approcher d'assez près, au milieu de cette foule que la musique avait attirée à la Villa Bellini. Mais il ne put le faire sans que le docteur et Pierre ne s'aperçussent des manœuvres de ce drôle à figure suspecte. Si c'était le Zirone en question, l'occasion était belle pour l'engager plus avant dans le piège où l'on voulait l'attirer. Aussi, vers 11 heures du soir, au moment où tous deux allaient quitter le jardin pour retourner à bord, le docteur, répondant à Pierre à voix haute, « Oui, c'est entendu, nous partirons demain et nous irons coucher à la Casa Inglese. » Sans doute, l'espion savait ce qu'il voulait savoir, car un instant après, il avait disparu.